Étienne Boisserie, président de Sauvons l'Université. Alors moi, j'aurais voulu faire quelques remarques d'ordre général par rapport aux deux interventions qui ont été faites, celle de Mme Vinocourt et la vôtre. Et en même temps, pour la vôtre, je suis un petit peu gêné parce que j'ai lu abondamment le livre des refondateurs, livre entre guillemets, profondateur entre guillemets. Et donc je suis un peu à cheval sur, entre votre intervention et le livre en lui-même. Et dans le fond, en vous écoutant, je me suis rendu compte que vous teniez un discours du même ordre que ce discours qui est produit dans ce livre assez composite, disons fait d'une étude plus récente et d'autres qui sont plus anciennes quand même, à commencer par les 11 propositions qui, si je ne me trompe pas, sont celles de la revue du MOS de mai 2009, donc vraisemblablement écrites déjà un petit peu avant. La vraie difficulté, à mon avis, de ce livre, et la vraie difficulté de ce que vous évoquez là, et je pense que du coup l'intervention de Mme Vinocourt, disons le met encore plus en évidence, c'est que à la fois avec le livre et à la fois avec les propositions, vous tapez totalement à la périphérie du système qui est en train de se mettre en place. Vous ne traitez pas les problèmes structurels qui sont en train de, enfin qui arrivent. Et c'est d'autant plus frappant de voir du coup arriver dans ces 11 propositions déjà publiées en mai 2009 dans un livre publié en octobre 2010, comme s'il ne s'était rien passé depuis. Comme s'il ne s'était rien passé depuis que vous aviez écrit ces propositions, dont on peut discuter par ailleurs, et aujourd'hui. Comme si les presses... Alors, il y a quelque chose sur les presses, effectivement. Il n'y a rien sur les PPP. Il n'y a rien sur les modalités de financement. Il n'y a rien sur la réalité de ce qui se passe dans l'université. Vous en restez au niveau des principes. Il y a beaucoup de choses. Les constats, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit là-dessus. Les constats peuvent être partagés assez largement, effectivement. Mais sur la réalité de ce qu'il est nécessaire de toucher pour que le système universitaire puisse survivre ou fonctionner normalement, c'est autre chose. Petit point général qui m'avait gêné également, et vous avez utilisé le terme, sinon je ne me serais pas permis. Vous considérez manifestement que les préventions idéologiques sont dans le camp de ceux qui refusent les réformes. Et je suis très gêné parce que je crois qu'il est démontré très efficacement. Le terme idéologique est toujours utilisé dans le livre des refondateurs pour désigner un certain nombre de cryptos, archéos, de préférence associatifs, n'est-ce pas, Emmanuel? Mais en tout cas l'idéologie n'appartient qu'à ceux qui refusent. Le moderne, le non-idéologique, la idéologique, c'est disons, s'adapter au monde tel qu'il bouge. Moi, je suis désolé. Ce qui a été dit, il n'y a pas tant, mais tout, nous le savons tous. C'est une entreprise idéologique. C'est une entreprise idéologique. Ben, non, parce que vous passez une partie du livre à expliquer que l'idéologique est celui qui refuse. Alors, par ailleurs, vous prêtez un discours catastrophiste sur l'état général de l'université en ne distinguant pas. Parfois, vous distinguez pour les disciplines, mais dans le fond, quand vous dites qu'on choisit l'université par défaut, vous oubliez quand même que l'université de droit, a priori, la faculté de droit, a priori, on ne la choisit pas par défaut, que la faculté de médecine, a priori, on ne la choisit pas par défaut, et qu'il y a un certain nombre... Et qu'il y a quand même un certain nombre de disciplines où on va à l'université parce qu'on ne peut pas avoir cet enseignement ailleurs. Et donc, ce n'est pas par défaut. Et alors, ce que moi, je vous reproche, à vous, pas personnellement, mais à vous, dans cette intervention et aux refondateurs en général, c'est que dans ce discours de la déploration, vous faites en fait le jeu de ceux qui nous ont sapés symboliquement et professionnellement depuis 20 ans. Et que donc, je pense qu'il faut faire cesser ce discours, parce que si ce discours vient de chez nous, il sert nos adversaires, j'hésite pas à dire nos adversaires, et par ailleurs... pour essayer de trouver des solutions à la place de vos adversaires ou de nos adversaires, ce qui est louable, vous faites leur jeu. L'année de propédeutique, on peut discuter d'un certain nombre de choses, mais dans le fond, c'est rien d'autre, et je suis assez d'accord avec vous, c'est rien d'autre que d'instaurer à moyen terme, pas demain matin, à moyen terme de la sélection. Quand vous dites on va augmenter les droits d'inscription pour augmenter les ressources propres, vous ignorez un truc absolument élémentaire, c'est que les droits d'inscription sont défalqués de la dotation globale. C'est-à-dire que plus l'université va augmenter ses ressources propres, plus l'État va se désengager. Donc il y a un certain nombre de choses qui nécessitent quand même des connaissances minimales sur la façon dont ça fonctionne. Et ce ne sont pas des solutions faciles. Et quand on dit, moi j'entends les collègues nous dire oui, on va augmenter les droits d'inscription, ça va nous faire des sous, ça, on va pouvoir. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est malheureusement pas comme ça que ça marche. Et le vrai problème, c'est que. Avec un certain nombre de propositions, les deux en particulier que j'ai évoquées, vous êtes en train de faire ce que le ministère n'ose pas faire. On nous demande à nous de mettre en place les éléments, on nous demande d'abdiquer les principes parce qu'on est placé sous des contraintes et qu'on est mal informé sur le système. Et moi, je pense que pour que des initiatives comme celle des refondateurs ou le travail des associations puissent être valorisées, il faut que nous soyons indiscutables sur le plan technique. Et moi, je pense que dans les propositions que vous faites, il y a de telles lacunes techniques dans la façon dont le système fonctionne qu'elles ne sont pas crédibles en l'état. Voilà. Et notamment sur cette question des droits d'inscription et notamment sur la question de, l'année de l'année de propédeutique. Vous ne pouvez pas faire croire que une université n'utilisera pas cette année propédeutique pour faire de la sélection. Et ça ne dit pas ce qu'on fait derrière. En fait, ce que vous proposez, vous parlez d'une tripartition du système universitaire, grosso modo, en tout cas, une partition. Vous proposez qu'elle soit intégrée, en fait, dans l'université. Quand vous parlez, on peut très bien imaginer des parcours, on peut l'imaginer, mais c'est des parcours différenciés, comme ça se fait à Paris 2, en droit, avec la super licence de machin, etc. Et puis vous avez la petite licence ordinaire du type moyen, mais ça, dans 5 ans, c'est réglé. Les gens qui sortiront de cette licence-là, on dira, vous avez la licence ordinaire de Paris 2, donc vous êtes juste un étudiant moyen. Donc ça ne résout pas le problème.